Si l'on devait transcrire l'aporie de l'œuf ou la poule en langage scientifique, ce serait certainement autour de la question des mathématiques. Dès l'aube de la pensée, les humains se sont demandé si les mathématiques sont présentes au cœur de la nature, prêtes à être décryptées, ou si elles sont un langage inventé par l'homme pour décrire cette nature et l'analyser, ou pour le formuler différemment, si les mathématiques sont le langage du divin ou de l'humain. Et lorsque l'on finit par exclure la notion de divin, cela donne la question qui va nous occuper: comment expliquer la déraisonnable efficacité des mathématiques? D'où vient cette déraisonnable efficacité des mathématiques? C'est donc l'énoncé du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de définir ce qui peut difficilement être défini, puisqu'on va le voir, il n'y a pas c'est compliqué de définition propre des mathématiques. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Cessignars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, mathématicien, directeur du département Histoire et Philosophie des Sciences de l'Université Paris Diderot. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Michel Salansky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie des sciences, logique et épistémologie à Paris 10 Nanterre et membre de l'Institut de recherche philosophique. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission, évidemment, à l'antenne et en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Il n'y a pas ou il n'y aurait pas de définition stricte et rigoureuse des mathématiques. C'est difficile de définir ce que sont en soi les mathématiques, Jean-Jacques Cessignars? Oui, c'est difficile de les définir sans restreindre, sans avoir des définitions exclusives, comme toujours. Enfin, et c'est difficile parce que c'est un domaine qui est d'une extrême richesse. Les mathématiques sont présentes sous des formes diverses, sous des développements différents, de niveaux différents, dans tous les secteurs de la pratique sociale, de la pratique intellectuelle, de la culture. Donc c'est difficile de les définir pour cette raison-là. Il n'en reste pas moins que les mathématiques, au fur et à mesure de leur histoire, comme on va le voir, se sont développées et sont une pratique extrêmement rigoureuse, avec des règles assez strictes. Et donc, c'est plutôt un paradoxe, je dirais, difficile à définir les mathématiques. En même temps, elles sont une pratique et une théorie très rigoureuse et stricte. Et omniprésente. Votre tentative de définition, Jean-Michel Salansky, comment est-ce qu'on peut définir ces mathématiques? Je reprendrai votre indication selon laquelle il n'y a pas à proprement parler de définition, mais en même temps, les mathématiques sont un peu une entité historique stalinienne du genre de celle qui est décrite en 1984, c'est-à-dire qui rectifie le passé pour le faire se conformer à son présent. Et donc, les mathématiques réinterprètent toute la lignée historique des mathématiques en montrant toujours que c'est de la même chose qu'il s'agit depuis le début. Ce qui fait que quand on habite l'univers des mathématiques, on a le sentiment qu'on habite au contraire une filiation parfaitement identifiée et plus claire que tout le reste qui serait brouillé. Donc, vous voyez, par exemple, on s'accorde généralement à estimer que les mathématiques babyloniennes, c'est pas encore des mathématiques, parce que c'est juste des... on obtient des algorithmes, on résout des problèmes, on aborde un tout petit peu la géométrie, et on estime qu'avec les Grecs, ça commence vraiment, parce que on entre dans un champ de savoir dominé par l'activité de démonstration. Et là, les mathématiciens contemporains se reconnaissent là-dedans. Donc, vous voyez, il y a des... Et de même, sur l'objet de la mathématique, on peut dire que à l'époque initiale, à l'époque grecque, l'objet, c'est le nombre et la figure. Bon, et de manière contemporaine, mettons, si je m'en tiens à la révolution la plus partagée, la plus indiscutable et la plus récente, c'est celle de la théorie des ensembles, on va dire que l'objet de la mathématique, c'est l'ensemble, mais on est en mesure de montrer que ce qu'on appelait nombre et figure, ça rentre dans notre nouvelle notion d'ensemble. Donc, vous voyez, il y a cet effet de rétroaction sur le passé, qui est en même temps caractéristique du bunker historique de la mathématique. Et on va voir que c'est intéressant, parce que si on suit votre fil temporel, les mathématiques étant aussi prédictives, sont donc un ensemble totalitaire qui régit le passé, le présent et le futur. C'est cela, Jean-Jacques Cessignars? Oui, elles sont prédictives. Je dirais qu'elles sont prédictives dans leur structure, dans leur constitution. Mais pas forcément de façon exacte. C'est pas les mathématiques vont pas vous dire que tel ou tel événement va se produire. Donc, ça n'a rien à voir avec d'autres pratiques du type numérologie ou des choses de ce genre-là. Mmh. Donc c'est tout à fait effectivement donc. C'est une vue sur ce que dit Jean-Michel, c'est tout à fait juste, et c'est certainement une des caractéristiques de cette discipline, c'est que chaque progrès des mathématiques est à la fois une généralisation de ce qui précède et une intégration, une réinterprétation de ce qui précède. Les mathématiques sont indéfiniment lectures sur elles-mêmes et sur leur passé. Et c'est de cette façon-là qu'elles se projettent vers l'avenir. Eugène Wigner, qui est l'auteur de l'article qui a donné son titre à l'émission aujourd'hui sur la déraisonnable efficacité des mathématiques, essaye une définition que je vous livre. Ce serait la science d'opérations habiles à l'aide de concepts et de règles inventée uniquement dans ce but. Est-ce qu'on peut s'accorder sur cette description ou est-ce qu'elle vous semble trop exclusive, Jean-Michel Tsaonski? Oui, alors je ne sais pas si c'est pris dans l'article de Eugen Wigner où il y a la fameuse citation sur la déraisonnable efficacité, parce que je me souviens que quand je l'ai lu, puisqu'on le trouve en ligne, j'étais assez déçu, parce qu'en dehors de cette formule qui est magnifique, le reste est assez plat dans l'article. Bon, mais cette définition, elle n'est pas tout à fait scandaleuse. Ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle insiste sur le fait que la mathématique n'est pas la science de la quantité. C'est ce que les gens croient le plus souvent. Ils estiment qu'il y a mathématiques quand il y a mesure, quand il y a nombre, quand il y a quantité. Bon, et dans la conception contemporaine, c'est clairement pas ça. Si on veut dire quelque chose qui correspond à la mathématique contemporaine, c'est plutôt que la mathématique serait la science des structures. Et les structures, on les appréhende soit dans le cadre ensembliste, soit éventuellement, on peut dire qu'avec le cadre catégorique, on a une nouvelle manière de dépeindre des structures ou de les analyser. Mais donc ce serait ça qui serait peut-être la meilleure approximation. Hein. Bon, il insiste aussi dans cette citation sur le fait qu'il y a une part d'invention. Alors, on trouve ça déjà chez Kant. Il insiste sur le fait que les définitions mathématiques sont prescriptives. Donc tout ce dont on parle, c'est quelque chose qu'on a forcé comme thème à considérer. Ça, c'est aussi un trait de la mathématique qui la rapprocherait en fait de la littérature. Moi, je me souviens que quand j'étais prof de maths, la première chose que je disais à mes élèves, c'est comprenez bien que les mathématiques sont une discipline littéraire. Puisqu'on va développer des inventions et explorer des mondes inventés, exactement comme un grand romancier, il crée des mondes. Bon. Vous êtes d'accord, Jean-Jacques Sessignard, si vous pensez qu'on peut dire que cette définition n'est pas tout à fait scandaleuse, comme vient de le dire Jean-Michel Tsaonski. Pas tout à fait scandaleuse, mais il insiste un peu sur la question de l'habileté, bon, qui fait signe vers l'invention. Alors c'est vrai que ce qu'on en général sous-estime, que le grand public sous-estime, bon, c'est normal, c'est l'extraordinaire créativité des mathématiciens. Et créativité sur le plan de l'imaginaire. Hein, et c'est pour ça que c'est que les mathématiques sont très proches de la création poétique. C'est vraiment de nouveaux paysages, de nouvelles étendues, de nouvelles images, de nouvelles métaphores, du vocabulaire extrêmement poétique, si on en citait quelques-uns des mathématiciens contemporains. Ceux qui sont venus autour de cette table parlent tout à fait d'une esthétique. On parle de l'élégance d'une équation, par exemple. Oui, il y a une esthétique des mathématiques. L'élégance d'une équation, mais même du point de vue du vocabulaire. Hein, si vous voulez. Je cite juste un thème parce que ça m'est cher, c'est le grand mathématicien Grothendieck, qui est un créateur de notions, un créateur de mots. Bon, il y a une théorie relativement compliquée qui s'appelle dessin d'enfant, par exemple, qui fait signe vers toutes sortes de créations mathématiques, mais qui est en même temps extrêmement évocatrice. Et la plupart des concepts qu'il a inventés, il a cet art qui est un art de poète. Mais je crois que c'est quelque chose qui est lié aux mathématiques elles-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle moi je milite pour la réintégration, si je puis dire, des mathématiques à l'ensemble de notre culture. Et on vit dans une époque où précisément les mathématiques apparaissent aux gens comme quelque chose de difficile, de rugueux, etc. Il faut essayer de passer par-dessus ça et de les développer comme faisant partie de la culture, comme la poésie, la littérature, comme le dit Jean-Michel. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Tsaonski, vous avez parlé à l'instant de la mathématique. Or, les mathématiques ont cette particularité, c'est que c'est une des rares sciences plurielles. On dit les mathématiques et non pas la mathématique. Est-ce que ça peut être un biais, une entrée pour justement une approche d'une définition un peu plus inclusive, à votre avis, Jean-Michel Tsaonski, d'ailleurs, puisque c'est vous qui avez dit la mathématique. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'on dit les deux. Et les deux sont nécessaires, parce que la mathématique, ça insiste sur le fait qu'il y a une grande figure commune, c'est ce que je vous disais au début, il y a une continuité historique, on reconnaît la même volonté de rigueur, la même, finalement, on estime qu'on explore les mêmes objets, avec une méthode qui reste quelque part la même. Donc il y a une grande unité, on dit la mathématique pour célébrer cette grande unité. Mmh. Puis on dit les mathématiques aussi, et là, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, puisque ce à quoi on assiste depuis le grand développement post-cantorien, post-ensembliste, c'est à l'apparition de toutes sortes de sous-disciplines qui sont à chaque fois des continents. Enfin, c'est-à-dire, il y a des sous-disciplines qui sont locales, et puis elles se fédèrent dans plusieurs sous-continents. Mmh. Et tout ça, ça fait des paysages fabuleux. Hein. Le mot paysage est celui qui s'impose à nous. Mmh. Comme Jean-Jacques, j'utilise le mot paysage, ou alors je dis des milliards de cathédrales. Enfin bon, voilà le genre de choses qu'il faut dire. C'est une espèce d'immensité de prolifération de signification, comme il y a peu d'équivalent. Quoi. Il n'y en a pas, à mon avis. Mmh. Et des sous-disciplines qui s'auto-incluent, hein, parce que si on peut penser aux deux grands corps qui sont l'algèbre et la géométrie, on a aujourd'hui la géométrie algébrique, par exemple, qui recoupe les deux. Comment vous entendez-vous ce singulier, ce pluriel des mathématiques? Jean-Jacques Sassignon. Comme le dit Jean-Michel, mais ce qui est tout à fait fabuleux, et on y a assisté au XXe siècle, fin du XXe siècle, d'abord une prolifération des géométries. Si je nommais toutes les géométries qu'il y a, géométrie discrète, géométrie différentielle, géométrie algébrique, géométrie analytique, etc. Bon. Et de la même façon, vous avez des disciplines qui s'entrecroisent et qui, à un moment, sont tellement développées qu'elles deviennent un sous-continent avec ses problèmes propres. Donc, effectivement, une sorte de prolifération et en même temps une très profonde unité, parce que chacune de ces disciplines, d'une manière ou d'une autre, fait appel aux autres, avec des niveaux de profondeur. La géométrie algébrique, évidemment, fait appel à l'algèbre, mais à des niveaux de profondeur à chaque fois différents, et elle fait appel aussi à la géométrie. Et donc, vous avez affaire à ces synthèses, c'est quelque chose de nouveau, qui est une prolifération avec des formes de circulation à l'intérieur du corpus mathématique, à chaque fois nouvelles et parfois très surprenantes. Alors, j'aimerais qu'on tente un peu de retracer une sorte d'histoire des mathématiques, parce qu'elle est aussi assez éclairante pour essayer de les appréhender. Vous le disiez tout à l'heure, hein, Jean-Michel Salansky, il est compliqué de mettre un point de départ, d'identifier une origine des mathématiques. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il faut la distinguer de l'apparition du nombre. L'apparition du nombre n'est pas l'apparition des mathématiques. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous regardez les grandes histoires, enfin bon, il y a un gros bouquin américain dont j'ai oublié le nom, qui est un peu la Bible qu'on consulte tous. Oui, Maurice Klein, voilà, la grande encyclopédie de Maurice Klein. Et donc il y a un premier chapitre sur les mathématiques mésopotamiennes où il décrit tout ce que les Babyloniens ont fait. Il montre le système numérique des Akkadiens avec des symboles pour les premiers entiers. Et il décrit le fait qu'ils ont commencé à aborder même des équations quadratiques. Mais en général, on considère pas néanmoins. Ils ont même abordé quelques problèmes géométriques, il me semble. Néanmoins, on ne considère pas que c'est vraiment les mathématiques, parce qu'on estime que les choses commencent avec l'instauration grecque, c'est-à-dire l'idée que les mathématiques, c'est un domaine où on va démontrer des résultats et on va compiler une encyclopédie de tout ce qu'on a démontré. Et ça, c'est les éléments d'Euclide qui sont le grand événement historique. Puis c'est célébré par les philosophes ultérieurement. Mmh. Kant dit que c'est le commencement de l'idéalisme transcendantal. Husserl met la grande révolution du rationalisme et de la tâche infinie de la science. Il fait démarrer ça avec les Grecs. Donc c'est en même temps un mythe, mais il semble que ça soit quand même bien l'histoire. Donc ce serait ça l'origine. Mais après, si vous voulez, on pourrait critiquer ça, parce que par exemple, je vous propose une possibilité de critiquer cette généalogie. Mmh. Où, d'un point de vue contemporain, si on regarde la théorie de la démonstration contemporaine, on peut estimer qu'entre la preuve et le calcul, il y a une affinité forte, qu'à certains égards, la preuve c'est le calcul et le calcul c'est la preuve. On peut estimer que ce serait l'apport philosophique de développement comme la correspondance de Curie-Howard. Si on estime ça, on va dire que les Babyloniens, c'est peut-être déjà de la preuve, même s'ils n'ont pas ce langage-là. Et de même, j'ai entendu des tas d'exposés de Karine Chemla, notre collègue commune, qui essaie de montrer que dans les mathématiques chinoises, même s'ils semblent habiter principalement l'algorithme, ils sont déjà, en un certain sens, dans l'opération de prouver. Donc on pourrait compliquer les choses. Mais je pense que c'est des faux arguments, parce que le retentissement de cet acte des Grecs, quand ils officialisent, ils explicitent l'enjeu de la démonstration et qu'ils compilent de ce qu'on a démontré, bon, ça a un impact Extrêmement profond. Et on peut, disons, la différence entre l'explicite et l'implicite est très importante aussi. Ça voudrait dire donc, pour suivre ce que vient de dire Jean-Michel Samansky, que le point de départ des mathématiques, ça n'est pas tant le calcul que la démonstration? Oui, c'est difficile à dire parce qu'on peut objecter. Moi j'ajouterais ceci, c'est que on s'accorde généralement pour considérer que les mathématiques grecques, c'est un point de départ d'un certain rapport avec l'élève et avec l'interlocuteur. Et qu'il y a un nouveau rapport, qui est un rapport dialectique, il y a la possibilité pour l'interlocuteur de critiquer, d'entrer en dialogue, et toutes les techniques juridiques de l'époque, des tribunaux, etc., qui étaient reprises par la philosophie platonicienne, sont déjà à l'œuvre dans les mathématiques grecques. Et peut-être que, mais c'est tout à fait critiquable ce que je vais dire, chez les Babyloniens ou chez les Mésopotamiens, il y a plus un rapport maître-apprenti qui est davantage unilatéral. Mais ceci est à prendre avec des pincettes, c'est simplement pour souligner le caractère argumentatoire, le caractère démonstratif et donc d'une certaine manière philosophique des mathématiques grecques. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que Jean-Jacques vient de dire. L'aspect école est très important. Donc, les mathématiques, on peut dire que ça commence avec l'école des Éléates en Grèce. Et il y a une idée de l'école mathématique qui est très importante pour n'importe quelle personne qui habite ce monde à nouveau. Et moi, le point que j'aimerais souligner, c'est quelque chose que j'ai indiqué dans un ouvrage de philosophie politique, à vrai dire, c'est que c'est une école égalitaire, l'école de la mathématique, parce que c'est une école où on sait très bien que si l'enseignant a absolument parfaitement enseigné, c'est s'il a transmis dans son exactitude et sa puissance la notion qu'il voulait enseigner, son élève est immédiatement son égal et peut propager cette égalité en enseignant à nouveau. Et c'est en ce sens que ce que je disais dans un livre qui portait sur la gauche, c'est que le cours magistral, c'est la chose la plus égalitaire qu'on connaisse avec ce modèle mathématicien. Ce qui est passionnant, c'est que donc du coup, les mathématiques seraient donc le début d'un modèle égalitaire, alors que vous les définissiez il y a une dizaine de minutes comme quelque chose de totalement totalitaire. C'est totalitaire, je mettais cet adjectif pour faire sentir la chose. Mais ce que je voulais souligner, c'est le fait qu'il y a une autonomie et une affirmation forte d'identité. Après, de l'extérieur, vous pouvez toujours percevoir ça méchamment comme totalitaire. Mais je crois que c'est vous qui l'avez. Non, j'ai pas dit le mot totalitaire. Vous avez parlé d'une forme de totalitarisme. Non, mais pour réconcilier, Jean-Jacques Sessignard, pour vous réconcilier entre guillemets, on dirait que l'accès à la démonstration, l'accès à la compréhension suppose des règles, des étapes, des vérifications. En ce sens, vous pourriez appeler ça, c'est une rigueur. Mais cette rigueur, elle est la condition d'accès à l'égalité. On sera l'égal du maître parce qu'on a franchi les étapes nécessaires à la compréhension et à l'accès, à l'accès de ce savoir. En ce sens, si vous voulez, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est d'une certaine manière des formes de subjectivité, je dirais, universelle. Parce que, comme l'a dit notre collègue et maître Maurice Cavinck, c'est une forme d'omnisubjectivité qui est présente dans les mathématiques plus qu'ailleurs. Oui, je voulais juste utiliser une formule peut-être pour qui correspond exactement à ce que Jean-Jacques vient de dire. On pourrait dire que c'est une forteresse égalitaire. Moi, j'ai utilisé le mot bunker. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un espace d'une égalité qui est donnée d'une certaine manière et qui peut se protéger, mais il y a une difficulté d'accès. C'est ça la difficulté. Et on le sait depuis toujours. Et c'est ça qui fait l'effroi à l'égard des mathématiques. C'est que les gens, ils estiment qu'ils sont largués, qu'ils n'entreront jamais. Mais il faut quand même rappeler que la forteresse, c'est une forteresse de l'égalité. Reprenons notre fil historique, si vous le voulez bien. Il y a un autre élément constitutif, intrinsèque aussi à l'émergence des mathématiques telles qu'on les entend dans leur acception contemporaine. C'est évidemment la pensée métaphysique chez Pythagore, puisque penser les mathématiques, c'est forcément penser le divin. Oui, penser le divin, c'est ainsi que les choses se sont présentées avec les mathématiques ésotériques et le sens cosmologique. Quand les pythagoriciens disent tout est nombre, c'est en même temps une interprétation cosmologique. Alors c'est vrai que c'est lié au divin. Maintenant, je serais plutôt pour dire que c'est la forme sociale qu'elles ont prise à un moment de l'histoire, mais qui n'est pas ni liée à leur essence, à leur caractère intrinsèque. Mmh. Et c'est plutôt une forme donnée, de la même façon que des savoirs ont eu pour besoin d'être véhiculés à l'intérieur de formes de pensée qu'on peut refuser, par exemple. La théologie est une très grande forme de pensée. Elle a véhiculé toute forme de rationalité très importante pour la suite de notre civilisation. Alors, c'est un aspect de la divinité dont vous parlez. Et le fait que Pythagore, dit-on, est sacrifié au dieu après la découverte, enfin la démonstration de son théorème, ça fait partie aussi de cet aspect. Mais vous avez raison, il y a au fond des mathématiques quelque chose de divin, quelque chose de religieux. Bon, il faudra, on n'aura pas le temps d'explorer cet aspect, mais qui s'est maintenu jusque dans les formes les plus modernes des mathématiques. La pratique du séminaire, enfin, toutes ces pratiques-là font appel à des restes ou des actes, des formes religieuses. Mais je dirais que toute religion n'est pas forcément mauvaise ou superstition. Pour poursuivre tout de même tout au long de l'histoire de la pensée, la question de savoir si le langage mathématique est l'expression du divin, si la nature est par essence mathématique et donc le divin, le dieu mathématicien, c'est tout de même un grand questionnement de l'histoire des sciences et de la philosophie, Jean-Michel Sansky. Oui, alors donc pour revenir sur cette question, ce que je dirais, c'est que vous avez évidemment raison de relever quelque chose. Maintenant, ce quelque chose, enfin, les mathématiques, elles sont plus plurielles par rapport à cet enjeu que vous semblez le dire. C'est-à-dire que moi, je distinguerais trois choses. Il y a le mathématique théologisé, le mathématique métaphysisé, et puis le mathématique totalement subjectivisé. On a les trois, on a les trois figures. Donc, le mathématique théologisé, c'est l'idée que dans les mathématiques, on expérimente une perfection. Et si pour nous le divin c'est la perfection, à ce moment-là on est près du divin dans la mathématique. Et on a la formule peut-être la plus belle et qui exprime le plus cela, c'est la fameuse citation de Hölderlin, la vie des dieux est mathématique. Bon. Donc vous avez cette orientation-là. Il y a toujours des gens qui éprouvent ça, il y a peut-être une nécessité à ce qu'on puisse éprouver ça. Vous avez l'orientation métaphysique, où on a l'idée que, puisque les mathématiques ont une faculté de description de leur monde qui est extraordinaire, c'est-à-dire que non seulement on invente des mondes, mais on les décrit de manière universelle, magnifique, passionnante, on peut imaginer que les mathématiques, ce soit le bon langage pour décrire toute chose, que ça soit la clé d'une connaissance ontologique parfaite. Mmh. Bon, et ça, c'est un philum qui existe aussi. Alors, de manière contemporaine, ce philum, il a été un peu compromis parce que la métaphysique, au XXe siècle, sous l'égide de la philosophie analytique, elle s'est recalée sur les conceptions aristotéliciennes, et donc elle voit le discours le plus général sur toute chose comme logique et non pas mathématique. Donc la logique a un peu damé le pion à la mathématique comme métaphysique. Mais il y a des contre-exemples extraordinaires comme René Thom, qui a développé une espèce de théorie métaphysico-mathématique de toute chose, de son individuation, de l'organisation, en s'appuyant sur la théorie des systèmes dynamiques. Donc ça prouve que cette figure de la mathématique métaphysicienne n'est pas morte. Et à mon avis, elle ne le sera jamais. Puis vous avez quand même la conception, je dirais, d'inspiration kantienne des mathématiques, où on voit la mathématique comme l'exemple même de la puissance de la raison, d'une puissance instituante de la raison par elle-même, toute seule. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est une rationalité qui est juste le fruit de la subjectivité totalement indépendante de toute autre coordonnée. Ce qui détermine le régime de la mathématique, c'est l'intuition pure, qui est quelque chose qui sort de nous, qui est notre projection, notre imagination. Bon, et vous pouvez concevoir ça aussi en mode linguistique. Vous pouvez dire que c'est ce que vous suggériez, que la mathématique, c'est le développement de nos capacités linguistiques, qu'on fait tourner nos capacités linguistiques. Et à ce moment-là, si on est dans cette optique-là, l'idée que ça soit par ailleurs la métaphysique, ça va pas de soi, ça cesse d'aller de soi. Jean-Jacques Cessignard, votre réaction à ce que vient de dire Jean-Michel Savansky, encore une fois autour de cette question du dieu mathématicien. Pour plonger dans Descartes par exemple, l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu que de l'essence du triangle rectangle, la grandeur de ces trois angles égaux à deux droits. Oui, alors ça c'est bon, ça fait partie des arguments philosophiques de Descartes pour décrire l'essence divine, pour démontrer l'existence de Dieu, et on voit dans les preuves de l'existence de Dieu effectivement l'utilisation utilisation par Descartes d'arguments de type mathématique. D'ailleurs, on dit que du point de vue de l'histoire des preuves de l'existence de Dieu, on est passé à une ère mathématique à partir de Descartes. Mmh. Et donc, voilà. Alors, bon, cela dit, bien sûr, ça ne signifie pas, encore une fois, que forcément, nécessairement, les mathématiques soient dans leur essence de nature divine. Ce qui est certainement désigné par là, c'est qu'il y a dans la production mathématique et dans l'accès à cette production quelque chose qu'on éprouve comme nous dépassant, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément transcendant, au sens où c'est inaccessible, mais il y a quelque chose qui nous dépasse, mais comme dans n'importe quel autre type de création. Il se trouve que celle-ci est très importante et qu'elle inonde toute notre culture, mais c'est cette forme d'expérience de quelque chose qui nous dépasse, qui est désignée par cette forme-là, de la divinité, avec évidemment chez Euclide par exemple quelque chose qui est lié à la pratique mathématique, qui est l'idée que les mathématiques nous purifient, hein, qu'il y a une sorte de catharsis quand on développe notre propre esprit. Et vous avez tout au long des éléments d'Euclide des signes d'encouragement: continue à purifier ton âme, tu vas réussir, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de des mathématiques. Ça veut dire que les mathématiques font partie de façon très générale de notre culture. Jean-Michel Salansky, pour essayer d'avancer, d'arriver jusque à notre présent, à la contemporanéité, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire des sciences, de la philosophie, où le rationalisme prend le pas? C'était le deuxième postulat que vous faisiez tout à l'heure, où vraiment on évacue complètement justement cette pensée ontologique, métaphysique des mathématiques comme étant à même de décrire absolument tout le réel, la nature? Oui, alors non, je pense que la question de savoir si le rationalisme il doit être métaphysique ou non, c'est très discuté. Là, je dirais que la majorité des gens pensent que la bonne rationalité est métaphysicienne. Je veux dire même les physiciens, en un sens. Vous savez, Meyerson a développé cette idée que toute physique était finalement, dans la mesure où elle veut expliquer le réel, elle prétend accéder aux connexions métaphysiques de l'être. Et d'une certaine manière, c'est difficile pour un physicien de ne pas penser que les théories qu'il développe sont la grammaire même du fond des choses. Mmh. Bon, donc il ne faut pas... On ne peut pas se défausser de cette dimension métaphysique. Et elle fait partie du rationalisme. Je pense que dans tous les gens qui ont réfléchi sur le rationalisme voient l'orientation métaphysique comme une grande composante du rationalisme. Maintenant, moi, je pense effectivement que dans la mathématique, il y a autre chose. Il y a aussi... Bon, moi, je suis qu'ancien. Là, entendu. Donc, je pense que dans la rationalité, il y a aussi l'idée qu'on a un champ d'institutions propres qu'on développe et qu'on contrôle. Que la rationalité, c'est quelque chose qui s'examine à soi-même, qui est un tribunal pour soi-même. Et les mathématiques, quand les désignent comme ça, c'est le lieu par excellence de ça. Donc je pense qu'il faut garder les deux. D'ailleurs, observablement, ça ne se contredit pas tellement. C'est-à-dire que, disons, la vision kantienne, elle va plus insister sur une espèce d'identité méthodologique de la mathématique. Mmh. Et la vision métaphysique, elle va plutôt s'exalter autour des pouvoirs du discours qui a été développé ainsi. Jean-Jacques Cessignas. Oui, alors on entre dans des problèmes, disons philosophiques, plus difficiles. Je crois quand même que peut-être contrairement aux apparences, les mathématiques contemporaines sont de plus en plus philosophiques, de plus en plus philosophiques, et posent de plus en plus des questions philosophiques qu'on peut considérer aussi comme des questions métaphysiques. J'en cite quelques-unes. Quelle est la nature d'une entité mathématique? Quelle est la forme de l'existence? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un objet existe? Qu'est-ce que c'est qu'un objet mathématique? Mmh. Etc., etc. Et dans la plupart des mathématiciens importants, vous avez un moment dans leur travail où ils posent cette question, où ils disent que les mathématiques de l'avenir seront philosophiques. Ou déjà, elles commencent à l'être, mais elles seront philosophiques. Donc, effectivement... la dimension métaphysique fait partie des mathématiques. Alors, pour des raisons, je dirais, institutionnelles, les mathématiciens n'ont pas le temps, forcément, de se pencher sur ces questions, et il les voit en passant ou quand c'est nécessaire, mais c'est toujours un moment, il faut produire, il faut démontrer un théorème, on est pris dans la concurrence, etc., etc. Mmh. Mais il y a un moment, je dis presque toujours dans la vie d'un mathématicien, il y a un moment réflexif, et qui est le moment où il considère que il faut faire de la philosophie, et la plupart des mathématiciens s'y essayent. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, pour vous poser une question peut-être tout aussi piège que la première que je vous ai posée au début de cette émission. À défaut de réussir à définir précisément ce que sont les mathématiques, est-il plus aisé, Jean-Michel Salansky, de définir ce qu'est un mathématicien ? Non, ça me semble. On peut difficilement dire que c'est plus facile. Je dirais que ça ajoute plutôt une difficulté. C'est-à-dire que, évidemment, pour savoir ce que c'est qu'un mathématicien, on aurait besoin de savoir ce que c'est que la mathématique, puisque le mathématicien va être forcément celui qui pratique la mathématique. Mmh. Mais maintenant arrive une autre difficulté, c'est qu'est-ce qu'on va vraiment appeler pratiquer la mathématique ? Alors, je crois que pour beaucoup de gens. Un mathématicien, ce serait quelqu'un qui produit des théorèmes, qui a au moins laissé dans l'histoire la trace d'un théorème publié dans une revue et qui fait trace. Et donc là, on définirait le mathématicien au sens strict de quelqu'un qui participe de cette prolifération de l'acquisition du savoir sur l'objet mathématique. Mais dans le langage courant, on appelle mathématicien un prof de maths du secondaire. Ou on appelle matheux dans le langage courant n'importe qui sait faire des multiplications à deux chiffres. Cet élargissement n'est pas complètement absurde, parce que ça revient à appeler mathématicien n'importe quelle personne qui, à un degré quelconque, joue un peu le jeu de cette grande machine, de cette grande chose, de cette grande cathédrale, appelez-la comme vous voulez. Alors, pour réaccrocher les wagons avec mes questions autour du dieu mathématicien, pour vous poser la question différemment, Jean-Axel Signars, le mathématicien est-il exégète ou démiurge ? Je dirais qu'il est un peu des deux. Hein, il est un peu des deux. Bon, je dirais que c'est une facilité de répondre comme ça, mais s'il veut répondre à sa dignité, si je puis dire, il doit produire des mathématiques nouvelles, et donc il est démiurge. Alors que veut dire des mathématiques nouvelles ? En général, ça veut dire soit d'immenses généralisations de mathématiques précédentes, soit des ouvertures d'un champ de recherche nouveau. Et il y en a qui font ça aujourd'hui. Alors exégète, exégète de quoi ? Bah, il est, oui, en un sens, parce qu'il va lire les mathématiciens précédents. Hein, on lit des mathématiciens précédents, et il va essayer de trouver ou de comprendre. Si vous voulez, les mathématiques, c'est une forme de pensée. C'est une forme de pensée, et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est une forme de pensée, et en tant que forme de pensée, ça veut dire que c'est une réflexion, ça veut dire que c'est une réflexion critique, ça veut dire que je n'accepte jamais pour argent comptant ce qu'on va me dire, ça veut dire que je vais chercher des formes abstraites à un moment donné, on va me dire que tel ou tel phénomène se produit, et je vais essayer de voir si est-ce qu'on pourrait pas dire que ça prend cette forme générale-là. Et donc, de ce point de vue-là, en tant que forme de pensée, forme de réflexion générale, on peut y mettre dedans de l'exégèse. Hein. Aragon avec sa triolet, la muse, le poète, Annabelle et son Bernard Buffet, la belle et la bête, on s'aimera mieux encore. Chiffre 2, nombre d'or, et Daphnis accouplé à Chloé, Maurice à Ravel. Vendredi avec son Crusoé, Armand et Marcel, on s'aimera encore mieux. Nombre d'or, chiffre 2, chapeau, sans faire ni une ni deux, nous formons un numéro. mieux que notre association sous les cieux. L'une et l'un se mélangent, un Éden pour deux anges. Salvador Dali et Sagala, Rimbaud et Verlaine, Juliette et Roméo dans ses bras, haleine contre haleine. On s'aimera plus encore qu'une seule âme. Non plus, sur le champ on s'est vu, on s'est plu. L'âme sœur, à la vie, à la mort, font la paire, chiffre de nombre d'or. L'une et l'un. Claude Nougaro, chiffre de nombre d'or. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Vous pouvez nous suivre également, hein, comme dans toutes les émissions, en parallèle sur le fil Twitter de la méthode, @laméthodefc. Nous parlons de la déraisonnable efficacité des mathématiques, selon la formule consacrée par Eugène Wigner. Nous en parlons avec Jean-Jacques Sersignard, qui est philosophe et mathématicien, et Jean-Michel Salansky, professeur de philosophie des sciences. Voilà qui nous amène donc, puisque nous avons fait un peu d'histoire dans la première partie de cette émission, à cette question finalement assez simple concernant les mathématiques, pour la réduire à sa plus simple expression. Ça marche, certes, mais pourquoi ça marche? Et surtout, pourquoi ça marche aussi bien? Voilà, c'est en gros cette question que posait Eugène Wigner, prix Nobel de physique en 1963, en ces termes, hein, l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. Que dit cet article, en fait, Jean-Michel Salansky? Oui, alors ça, je peux pas vous raconter l'article, ça je l'ai oublié, mais je peux discuter la thèse. Bien sûr. Moi, ce qui me semble frappant, j'y réfléchis, vous m'avez forcé à y réfléchir en m'invitant à cette émission, et il y a quelque chose qui est pas suffisamment souligné, c'est que pour parler de déraisonnable efficacité des mathématiques, il faut la trouver improbable, l'efficacité des mathématiques. Quand on dit déraisonnable, ça veut dire qu'en fait, ça devrait pas marcher aussi bien, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment ça marche aussi bien. Et pour qu'on puisse évaluer les choses de cette manière-là, il faut déjà qu'on ait identifié les mathématiques comme notre truc. Il faut, à mon avis, une vision subjective des mathématiques. Il faut voir les mathématiques comme notre imaginaire, notre langage, notre intuition, le développement systématique de ça. Et à ce moment-là, on comprend pas pourquoi, par ailleurs, ça nous donne la science qui a le meilleur contrôle sur le réel. Mais donc, Wigner, il part de ce point de vue que j'appelle le point de vue kantien, qui est de voir la mathématique comme auto-institution. Bon. Mmh. Et c'est comme ça que ça devient, qu'on peut poser la question métaphysique. Hein. Donc ça, c'est ma première remarque. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes un mathématicien qui, depuis le début, estime que la nature est écrite dans le langage des mathématiques, ou que Dieu vit la vie des mathématiques, l'accès des mathématiques à l'être, il vous est donné. Donc vous devriez pas vous étonner. Pour vous étonner, il faut être ailleurs que dans cette position. Ça, c'est ma première remarque. Et la seconde remarque, c'est que je connais pas de meilleure réponse que la réponse kantienne, une fois de plus. Mais il faut bien voir que la réponse kantienne ne répond pas. Elle refuse le problème. Elle consiste à dire, nous avons une science mathématicienne parce que nous voulons une science a priori. Et l'a priori, c'est notre pouvoir auto-institution. C'est-à-dire que nous avons une capacité d'imaginer un monde et de le structurer par nous-mêmes, c'est les mathématiques. Donc notre science ne peut être que mathématique. Et chez Kant, c'est l'inverse. Il dit une science qui procède pas comme ça, c'est pas une science. Donc voilà ce qu'il dit. Et après, ça marche. Là, d'un point de vue kantien, on ne peut rien en dire. Parce que l'idée kantienne, c'est que, une fois pour toutes, notre capacité à juger sur le fond des choses, sur l'en soi, elle est nulle. On habite notre pouvoir auto-instituant, c'est tout. Jean-Jacques Cessignard, votre lecture à vous de cet article d'Eugène Wigner sur l'efficable. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel. Bon, cela étant dit, c'est qu'on remarque aujourd'hui, évidemment, une physique mathématique de plus en plus développée. Une physique mathématique extraordinairement développée. Aussi bien dans le domaine de la mécanique quantique, de la physique de la relativité, etc. Alors, pourquoi ça se développe ? Bah, je crois que quand même, il y a des formes de parenté, des formes des analogies, ou en tout cas des ressemblances, je dirais même des passages, des correspondances entre les mathématiques, je dirais, des formes du sensible, des formes de la sensibilité et les mathématiques. Moi, je prendrais simplement un exemple, parce que je fais court sur cette question en ce moment. Je prendrais juste, mais pas, je veux pas le développer, la question des symétries. Bien, ou la question de la droite et de la gauche. Qui est aussi une question des symétries. On a, la question de la droite et de la gauche est une question très importante pour Kant, puisque c'est ce qui définit pour lui l'intuition sensible. C'est ce qui la spécifie par rapport à l'activité proprement intellectuelle. Mais cette question de la droite et de la gauche est complètement présente. Et cette question de symétrie est complètement présente très profondément en algèbre, dans la théorie des groupes de Lie, dans la théorie des représentations des groupes, etc., etc. Ce qui fait que vous avez une sorte d'élaboration de cette distinction sensible au cœur même des mathématiques, et donc c'est une élaboration de formes physiques au cœur même des mathématiques les plus complexes, les plus formelles, qui seront l'algèbre ou, comme le dit Attia, ce que Dieu nous a donné, ce sont les groupes de Lie. Hein, donc... Dans cette déraisonnable efficacité, pour extrapoler un petit peu, ce que dit Wigner, c'est que les mathématiques ne se contentent pas d'être un outil extrêmement précis pour décrire le réel, mais ont également une puissance de projection prédictive qui, là, rentre dans le domaine du déraisonnable. Prenons l'exemple de Urbain Le Verrier, qui, grâce à ses calculs, et donc à la puissance prédictive des mathématiques, va tomber sur une planète qui existe et qui va être confirmée par l'observation. Wigner n'a pas pu voir la confirmation des ondes gravitationnelles, mais c'est la même chose. Et c'est là qu'on rentre dans ce champ qui est le champ du déraisonnable. C'est là qu'on perd effectivement la raison quand on approche et quand on essaye de penser les mathématiques comme seul langage de description du réel. Jean-Michel Salansky. En fait, c'est quand même compliqué, parce qu'on pourrait dire que c'est la raison même, ça. Cette faculté de prédiction, c'est la raison, et c'est le triomphe de la raison, et c'est ce que beaucoup de gens ont dit, avec quelques raisons, si je puis me permettre. Mais évidemment, encore une fois, on va dire que c'est déraisonnable si on se réfère à un propos métaphysique sous-jacent qui est « c'est nous, et comment est-ce que ça peut être en même temps le cosmos ?» Hein, donc c'est ça la question de Wigner. Bon, donc, et je pense, comme je vous dis, qu'elle est irréductible. Je voudrais revenir sur cette affaire d'une seconde manière, si vous voulez. Donc, la réponse kantienne consiste à dire que notre démarche consiste à mathématiser la nature parce que on veut prédire. Mais pour prédire, il faut avoir une saisie a priori du monde. Et une saisie a priori, ça peut se faire qu'en le rapportant aux coordonnées de ce que nous développons avec notre pouvoir auto-instituant. Bon, donc ça, c'est la réponse kantienne. Mais on pourrait dire que, moi, ce que je vois dans le contemporain, je vois d'un côté ce que Jean-Jacques a rappelé, évidemment, c'est que la physique mathématique, contemporaine, elle a confirmé cette vision kantienne d'une manière incroyable. C'est-à-dire que la physique mathématique contemporaine, elle est encore 10 fois plus mathématicienne, elle utilise une ressource mathématique encore beaucoup plus lourde, et donc c'est beaucoup plus, encore plus manifestement une imagination de monde que celle de Newton, disons. Bon. Donc il y a ça. Mais en même temps, il y a un autre fil que je vois de manière contemporaine, qui serait la contre-idée qui s'esquisse parfois d'une physique computationnelle, c'est-à-dire d'une physique qui ne chercherait pas justement à reconstruire ce qui se passe dans un monde inventé mathématiquement, mais qui se contenterait de contrôler de manière extrêmement fine et précise les entrées-sorties. Et donc la physique deviendrait une espèce de calcul des entrées-sorties et cesserait d'être une imagination de monde. Donc on ne chercherait plus en droit à décrire les causalités dans les termes de notre dictionnaire mathématique des choses, mais on se contenterait d'avoir des machines qui enregistrent les corrélations et calculent les entrées-sorties, et donc qui peut-être se substitueraient à la prédiction de cette façon-là. Et bon, donc là, moi, j'ai bon, alors, il y a des usages de l'informatique où, au contraire, l'informatique, elle internalise les mathématiques des théories physiques. Et à ce moment-là, la physique mathématique, dans sa conception, dans sa figure classique, reste directrice. Mais j'ai l'impression, des fois, que les scientifiques sont tentés de s'abandonner à l'informatique comme nouvelle technique générale de l'entrée-sortie. Mmh. Et à ce moment-là, même certains, ils le rendent métaphysique. Ils disent, au fond, qu'est-ce que c'est l'être ? C'est des opérations. C'est des objets et des opérations. Mmh. Et donc, il est logique que l'ordinateur contrôle tout. Jean-Jacques Cézignard, sur ce que vient de dire Jean-Michel Salansky, mais également sur cette efficacité que Wigner, je crois, est-ce lui, appelle passif, c'est-à-dire ce pouvoir prédictif Oui, alors bon, on rentre dans un autre domaine, donc qui est celui de, enfin, un autre, d'autres domaines du point de vue de notre exposé, mais celui de l'informatique et de la puissance. Et bon, et le fait que la mécanique quantique devient de plus en plus également aussi les ordinateurs quantiques, etc., etc. Bon, je crois quand même que sur ce point, je serais plutôt du côté de ceux qui disent que l'informatique internalise des théories physiques et qu'elle. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, pour ce qui est de la déraisonnable. Moi, je la verrais plutôt comme, je dirais plutôt un sens de rang 2. Elle est déraisonnable au rang 2. C'est-à-dire, ça marche, ok, on peut dire, on peut être conscient de ce point de vue-là, mais c'est quand même très étonnant que ça marche aussi bien et que ça marche. Alors, on a des théories qui se développent. Bon, cela dit, il y a encore des questions très ouvertes. Hein, donc, mais on a des théories qui se développent. Et effectivement, ces théories sont mathématiques, mathématiques de part en part. Hein, la théorie standard, la théorie des supersymétries qui nous ont donné confirmation boson de Higgs, hein. Donc ça c'est quand même des mathématiques. Enfin, la supersymétrie, ça reste une théorie qui n'a pas été vérifiée pour le moment, elle n'est pas confirmée par l'observation. Oui, mais je parle de l'apparition de, enfin, la confirmation du boson de Higgs. Oui, la confirmation du modèle standard de la physique des particules. Oui. Donc de là, vous avez des mathématiques, vous avez donc effectivement une efficacité des mathématiques. Maintenant, est-ce qu'elle est déraisonnable? Je dirais que de ce point de vue-là, pas vraiment. Je serais plutôt dans le sens que ça m'étonne, ça m'enthousiasme, mais ça n'est pas du côté de l'irrationnel. Déraisonnable ne veut pas dire irrationnel. Hein, donc je donnerai cette interprétation-là. Quant à la question du développement computationnel, enfin, sur lequel, à juste titre, Jean-Michel a insisté, ça reste aussi pour moi très conceptuel. Ça reste très un calcul, c'est une stratégie conceptuelle à tout niveau. Donc voilà pour ce qui est de. Alors y a-t-il une limite à cette efficacité, qu'elle soit déraisonnable ou non finalement? Nous avons voulu les tester nous-mêmes, ces limites. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire CEREMAD de l'Université Paris-Dauphine précisément pour tester les limites de l'efficacité des mathématiques. Oui, car les mathématiques donnent des outils puissants pour décrire les phénomènes à un niveau fondamental. Mais à mesure qu'on entre dans la complexité des systèmes, il semblerait que les mathématiques perdent de leur efficacité. Malgré tout, on fabrique des modèles pas tout à fait fidèles à la réalité, mais qui permettent de tirer des explications sur des faits. J'ai rencontré le professeur Christian Robert, statisticien, qui applique ce genre de modèle pour des études en biologie. On dit souvent que les mathématiques sont le langage de la nature. On sait que les mathématiques sont très efficaces dans les sciences dures. Mais pour des processus biologiques, des systèmes complexes, est-ce qu'on peut se servir des mathématiques pour expliquer des comportements? Mon expérience en biologie et en génétique, c'est qu'on a d'abord créé un modèle mathématique qui semble reproduire plus ou moins le phénomène biologique qu'on observe, et ensuite en déduire des lois à partir de données ou d'observations ou de raisonnements scientifiques, donc biologiques. Vous faites de l'induction d'une certaine manière? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. En fait, ce que je trouve difficile dans ces sciences, c'est d'imaginer que le modèle est inné ou préexistant à l'analyse qu'on en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle, on va le créer au moment où on va être confronté au phénomène. Donc là, dans ce cas-là, le modèle ne dit pas quelque chose sur la réalité, c'est une construction mentale pour pouvoir tirer des explications sur quelque chose de naturel. Oui, c'est un filtre. On simplifie ou on formalise une transformation, une évolution. Si on prend des populations qui évoluent, leur caractère génétique se distingue de plus en plus pour devenir vraiment différent. En fait, on va simplifier cette évolution de la population, on va travailler en moyenne, donc en fait sur des comportements moyens, au lieu de suivre chaque individu. Dans ce cas-là, le comportement moyen va pouvoir rentrer dans des cases de stabilisation des fréquences, de loi des grands nombres, pour donner des explications sur le moment où les populations ont divergé, les possibilités qu'elles soient rencontrées à nouveau plus tard. Enfin, bon, là, je suis en train de parler du modèle de phylogénie, mais enfin, j'ai d'autres exemples sur l'analyse de populations animales, le suivi sur plusieurs années pour voir leur migration, leur taux de survie, leur taux de reproduction. Le modèle qu'on utilise pour faire l'analyse mathématique n'a pas une éducation absolue d'un point de vue de la discipline qu'il utilise. Donc les modèles mathématiques ne sont pas quelque chose qui existe indépendamment de nous, mais pour pouvoir quand même analyser, faire de la statistique sur des groupes, sur des populations, il y a eu des outils mathématiques qui se sont développés, comme le théorème de Bayes, tout ce qui est outils bayésiens. Oui, bien sûr. Un des rôles du statisticien est de transformer l'énorme complexité d'un phénomène qu'on observe au travers d'un nombre petit ou grand d'individus en quelque chose sur lequel on va avoir des répétitions, des fréquences, des stabilisations. Et ensuite, l'approche bayésienne consiste à dire que bon, ce modèle est probabiliste qu'on impose aux données est incertain. Cette incertitude, on va la représenter elle-même par une nouvelle loi de probabilité, ce qui fait appel au théorème de Bayes. Bon, il y a une phrase qui revient toujours en statistique, c'est la phrase de Box qui dit « All models are wrong », tous les modèles sont faux et certains sont utiles. Bon, c'est à la fois une évidence, quelque chose d'élémentaire, mais qui parfois est oublié lorsqu'on poursuit un raisonnement mathématique sur un modèle statistique jusqu'à des extrêmes de finesse qui n'ont plus rien à voir avec le phénomène réel qui est derrière. Ce que vous dites, c'est qu'on se sert de modèles mathématiques qu'on sait faux, mais qui nous permettent de savoir des choses vraies sur la nature. Alors vrai, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé le terme vrai ou la vérité sur des analyses statistiques, parce qu'on n'a quasiment jamais une certitude de ce qu'on dit. Et effectivement, l'analyse qui est mathématiquement exacte est par rapport à un modèle qui est presque certainement faux. Tout d'abord, on ne sait pas du tout que le phénomène naturel est un aspect aléatoire, il peut être totalement déterministe, et donc on va aller plaquer une structure probabiliste qui est énormément contraignante, qui peut ne pas correspondre du tout à la façon dont le phénomène se comporte. Ça échappe à nos modèles, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aller modéliser l'intégralité de l'univers. De votre point de vue de mathématicien, statisticien, comment on peut interroger la nature à partir des faits, de l'expérience, de l'observation? On généralise pour en tirer des lois générales? Pour modéliser un problème pour lequel on m'apporte des données, j'ai essayé d'aller tirer de librairies, de catalogues, de modèles pour voir lesquels vont s'adapter à ces données. Dans la communauté statistique bayésienne, il y a aussi une certaine tendance à vouloir détenir une sorte de vérité qui est dire que seule l'approche bayésienne permet une résolution cohérente ou efficace ou rationnelle des problèmes statistiques, qui très souvent évite le problème principal qui est la non-existence du modèle de départ. Et donc, si j'avais un modèle probabiliste de génération de mes données que je savais pour des raisons extérieures être le bon, dans ce cas-là, l'approche bayésienne serait la plus efficace. Et donc, ça transforme un peu ces arguments en querelles presque religieuses. Une querelle presque religieuse, on y revient, c'est donc un de nos horizons quasiment indépassables lorsqu'on parle de cette déraisonnable efficacité mathématique. Vos réactions, Jean-Jacques Sessignars, Jean-Michel Salansky, à ce que vous venez d'entendre, Jean-Jacques Sessignars? D'abord, c'est prodigieusement intéressant, bien sûr. Alors, l'expression d'un statisticien qui, en quelque sorte, est très fin et donne les je dirais pas les limites, mais enfin les conditions d'exercice extrêmement prudentes de la formation de modèles. Et de dire, alors c'est assez remarquable qu'ils disent que nos modèles sont presque tous faux. Bon, c'est une façon sans doute aussi de parler, mais ce qui veut dire par là, c'est que les modèles sont nécessairement approximatifs. Donc, cela dit, ils nous donnent, alors j'aime pas beaucoup cette expression, mais ils nous donnent un certain type d'information à un certain moment, et il faut passer ensuite à autre chose pour essayer de raffiner, de contester, de préciser cette information en remplaçant par un autre modèle, et ainsi de suite. Alors maintenant, par définition, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a dit que les statisticiens n'emploient jamais le mot vérité. Hein, mmh. On n'est pas. Alors, bon, c'est aussi une manière d'insister sur, je dirais, sur l'immanence de sa pratique de statisticien. Mmh. On est dans des modèles qui vont progresser, qui vont se raffiner, mais on n'a jamais un modèle définitif. Mmh. On a un modèle qui s'impose à un certain moment, et puis on voit ce qu'on peut faire, quelles sont ses faiblesses. Bon, c'est disons la pratique mathématique. Mais c'est un domaine, effectivement, qui prend de plus en plus d'importance tout ce modèle statistique, mmh. et qui, pour quelqu'un qui s'intéresse, pour un mathématicien qui essaye de regarder un peu l'ensemble du corpus mathématique, pénètre aussi de plus en plus dans d'autres domaines, mmh. que celui des statistiques proprement dites, puisque, vous savez, en théorie des nombres, par exemple, vous avez une théorie statistique des nombres. Hein, mmh. Quand on regarde la fréquence des nombres, les nombres premiers, c'est le grand problème des nombres premiers, on a toutes sortes de méthodes qui sont aussi des méthodes statistiques. Donc, et puis il y en a d'autres qui essayent de géométriser les statistiques. Il y a aussi de la géométrie algébrique sur les statistiques, etc., etc. Mais qui correspond effectivement à un mouvement général du développement, sans employer de trop grands mots, du développement des maths. Hein, Je renvoie nos auditeurs d'ailleurs à l'émission d'hier que nous consacrions précisément à l'invasion des statistiques dans nos sociétés contemporaines. J'aimerais entendre Jean-Michel Samansky sur ce reportage. Est-ce que ça vous a évoqué? Moi aussi, le détail de la chose, évidemment, m'intéressait et j'étais content d'entendre le scientifique s'expliquer sur toutes ces histoires. Moi, ce que je retiens, alors, ce serait une réaction de philosophe, c'est que, ce qui vous intéresse dans ce dernier moment de notre entretien, c'est l'idée des limites. Je crois que ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a deux limites. Il y a une limite qui est la limite de la science de la nature, c'est-à-dire que la pratique de la science de la nature consiste à reconnaître une limite, et ça c'est ce qu'il dit excellemment. Il dit nos modèles sont uniquement conjecturaux, on va chercher dans notre librairie, on en essaye un, etc. Mmh. Donc on n'est jamais dans la possession définitive du réel qu'on veut couvrir, et on va réajuster, réviser, introduire un doute. Donc il y a la nature fait limite par rapport à notre savoir. Et pour compléter ou corroborer ce que vous êtes en train de dire, Israël Gelfand, qui est mathématicien qui a contribué au développement des biomathématiques et de la biologie moléculaire, en parlant de Wigner, dit il n'y a qu'une chose qui est plus déraisonnable que la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique, c'est la déraisonnable inefficacité des mathématiques en biologie. Oui, là, vous voulez spécialiser la limite à la biologie, mais je crois qu'en fait, la limite, le réel, il fait limite partout, dans toutes les démarches des sciences de la nature. Ça, c'est un premier truc, et une limite jamais atteinte. Okay. Mais d'un autre côté, il y a aussi, à l'intérieur de la mathématique elle-même, si j'oublie ce problème de l'application à la nature, le développement de la mathématique, il est triomphant, il est spectaculaire, mais il est aussi réouverture permanente de problèmes, et notamment par une des voies sur laquelle Jean-Jacques insistait tout à l'heure, qui est que la mathématique, elle est beaucoup auto-commentaire, c'est-à-dire qu'elle introduit des nouveaux mondes. Du coup, en commentant ces introductions de monde et ces formations d'objets, elle arrive à définir de nouvelles interrogations. Mmh. Et puis même, elle a une fonction critique à l'égard de ses propres gestes qui ouvre à nouveau le savoir mathématique. Donc il y a une espèce d'ouverture, une limite jamais atteinte, qui est interne à la prolifération même du mathématique. C'est à la fois une limite dans le sens où on n'est jamais en situation de tout posséder. On a soulevé des lièvres conceptuels et objectuels qui dépassent nos pouvoirs de maîtrise. Et en fait, c'est pour ça que certaines traditions philosophiques qui décrivent les mathématiques comme le lieu de la maîtrise sont extrêmement ont terriblement tort, hein, parce qu'au contraire, c'est le champ par essence où on apprend l'immaîtrise. Bon. Et donc il faut distinguer ces deux limites. Par rapport à la nature, on ne fait que proposer des configurations conjecturales qui nous permettent de faire des prédictions, mais le réel fait limite, et à l'intérieur des mathématiques, on a une autre ouverture. Eh bien, ce seront les mots de la fin, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup tous les deux. Merci Jean-Jacques Cécignars. Merci Jean-Michel Salansky d'avoir accepté notre invitation pour essayer de trancher sur cette déraisonnable efficacité des mathématiques. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses, ou peut-être d'autres émissions à faire pour réussir à faire complètement le tour de cette question. Vous pouvez consulter compléter l'écoute de cette émission l'ouvrage de Mario Livio, « Dieu est-il mathématicien ?» C'est publié aux éditions Odile Jacob. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Richard Dufour à la technique.